En Russie, le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a constitué le 16 courant le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire et du 75e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Le comité préparatoire a fixé l'espace du 16 janvier au 20 avril comme période de célébration et décidé de présenter largement la vie révolutionnaire et les exploits des grands hommes avec 500 pareils, et d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme séminaires sur leurs exploits et séances de films.